Chapitre 25e. Me voici à F. Le directeur est un homme grisonnant, silencieux, un peu gros et qui porte sur le front et dans les yeux les signes de l'intelligence et de la bonté. Il m'a parfaitement accueilli. La signature de M. de Bléré est un passeport, m'a-t-il dit. Je n'ai jamais eu qu'à me louer des personnes qu'il m'a recommandées. Vous entrerez en fonction demain. Il a rangé quelques papiers sur son bureau, puis, continuant, je vous engagerai bien à déjeuner avec moi. Mais si on le savait, vos compagnons pourraient croire que c'est la faveur, et non votre mérite, qui vous a fait contremaître du premier coup. Je me suis incliné. L'intention suffit, ai-je répondu. Laissez-moi vous donner un avis. M'a dit alors M. Berthier en souriant. Votre nom est un obstacle, une difficulté, si vous voulez. Il rendra votre situation plus délicate parmi vos égaux. Il dépendra de vous de faire voir l'homme sous le marquis. J'y tâcherai. Ah, un mot encore. Quel que soit le temps que vous ayez l'intention de passer dans cette usine, agissez en toute chose comme si vous deviez y rester toujours. Quoi que l'on fasse, il faut le faire bien. M. Berthier m'a congédié du geste et je suis allé rendre visite aux ateliers. Voilà 8 jours que je suis à F. Je me suis rompu à mon métier. Mes mains commencent à se durcir. Elles me rappellent les mains que j'avais à la Cormelle, au temps où je maniais la pioche et la cognée. Les rudes travailleurs qui soulèvent les lourdes masses de fer autour de moi verront bien que je ne recule pas beaucoup devant la besogne. Je m'applique à tout comprendre. Quand on met de la bonne volonté aux choses, il n'en est point d'où l'on ne puisse tirer un bon fruit. Aux heures de loisirs, je parcours les campagnes environnantes. Le pays est plat, d'un aspect doux et calme, avec de la monotonie dans les lignes. Les horizons sont cachés par de longues rangées de peupliers grêles. Le fleuve qui traverse la plaine a de la majesté dans sa lenteur. Je me promène lentement sur ses rives, ma pensée s'envole vers Paris. Si Madame d'Albreuse me rencontrait en pantalon de grosse toile, les manches de ma chemise retroussées sur les bras, me reconnaîtrait-elle? Où est le temps où il me semblait que mon bonheur dépendait d'une fleur arrachée d'un bouquet? Maintenant, quand vient le soir, au lieu de courir dans un salon dont mon premier regard faisait le tour, je me couche brisé de fatigue et, l'instant d'après, je m'endors au bruit des machines qui grondent et des roues d'engrenage qui gémissent. Si j'ouvre à demi les yeux, au lieu des bougies palpitant parmi les lustres, j'aperçois des tourbillons d'étincelles et des jets de flammes rouges qui s'échappent des longues cheminées. La vie active et bruyante de ces vastes ateliers a quelque chose de sain et de puissant qui m'impressionne. C'est le spectacle de la force au service de l'intelligence. Le grand ordre qui préside à ce tumulte apparent, ces populations d'ouvriers qui savent ce qu'elles ont à faire et qu'elles exécutent avec précision et dextérité, l'énergie aveugle et docile de ces machines énormes, pulvérisent des blocs de fer ou caressent délicatement des brins de paille, au gré de ceux qui les dirigent. Cette bataille incessante de l'homme contre le métal, tout enfin intéresse mon esprit et le captive. Je suis bien loin des orages qui m'ont fait tirer l'épée. Le travail assouplit mon intelligence à la règle. Je goûte les bienfaits de la discipline. La journée achevée, ma conscience est en paix. La chambre qui m'a été donnée dans l'établissement même est sous les toits. La clarté pénètre à flot dès le matin. Elle est garnie de meubles en bois de merisier. Rien que le strict nécessaire. La Cormelle m'a plié dès longtemps à ses habitudes modestes. Je n'en souffre pas. Hier, j'ai touché le premier mois de mon traitement. Cet argent a paru léger à ma main. Je l'ai laborieusement gagné. Ma poitrine s'est gonflée d'orgueil à la pensée que mon père serait content de moi. « Vous avez bien fait, vous ferez mieux encore, » m'a dit M. Berthier. « Je l'espère bien, » ai-je répondu. Ce que le directeur de l'usine m'avait prédit s'est réalisé. Les ouvriers ont eu vent qu'un marquis travaillait parmi eux. Ils ont rôdé autour de moi, je les ai laissés rôder. Mon attitude a imposé au plus grand nombre, mais un contremaître, cassé pour cause d'inconduite, s'en est pris à moi de sa disgrâce. « Il y a du marquis là-dessous, » a-t-il dit en passant près de moi. « J'ai faim de ne pas entendre. » A-t-il pris mon silence pour de la timidité ou avait-il l'intention bien arrêtée de déverser sa colère sur quelqu'un? Toujours est-il que ses manières et son langage ont pris soudain les formes de l'insolence. Antoine Gerbeau est un homme qui frise la quarantaine, trapu, vigoureux, avec une barbe inculte et des cheveux noirs tout frisés. Il a la charpente osseuse d'un taureau. On en parle comme d'un Hercule, bon par tempérament, mais par intervalles aussi farouche et violent. J'ai senti que si je ne voulais pas perdre de mon autorité et des choix dans l'estime de mes camarades, il fallait aller au-devant de ses rancunes. À l'heure du repas, il s'est permis quelques plaisanteries grossières. Il avait fait une espèce de poupée avec un bonnet de laine et la faisait danser sur ses genoux en disant « Saute, marquis !» On riait autour de lui. Je me suis approché froidement et prenant la poupée, je l'ai lancée par-dessus le mur. « Gerbeau !» lui ai-je dit. « Je n'aime pas les insolences. Vous allez me faire le plaisir de suivre cette guenille. Voici la porte. Allez !» Antoine s'est levé d'un bond, le poil hérissé et les mains en l'air. « Vous avez les bras. Faites voir que vous êtes le plus fort et je m'en irai » m'a-t-il dit. On nous regardait et des gens faisaient cercle autour de nous. J'ai pensé subitement à mon duel avec M. de Prats. Les causes, les armes, la situation, tout était changé. Le résultat est le même, deux hommes en face l'un de l'autre. Prenant ma résolution sur le champ, « Qu'à cela ne tienne » ai-je répondu. J'ai fait un pas. Gerbeau s'est lancé sur moi. Mais M. de Carlepont n'a pas permis inutilement que je luttasse contre Gilbert et tous les pâtres qui menaient paître les brebis autour de la Cormelle. L'adresse acquise plus tard dans les salles de Paris ne m'a pas moins servi que la solidité de mes muscles. 3 minutes après, Gerbeau frappait la terre de ses larges épaules. J'avais mon genou sur sa poitrine. Alors, me relevant, « J'ai votre parole, Gerbeau, et je vous sais un honnête homme. Sortez !» Il a ramassé sa veste en grondant et s'arrachant une poignée de cheveux. « On s'en va, » m'a-t-il dit, « mais on se reverra. » Le lendemain, Antoine, la figure sombre et pareille à un dogue, était dans l'usine. De lourdes pièces de fer encore chaudes et mal équilibrées viennent à rouler au moment où ils passaient dans leur voisinage. Je fais un bond et, le saisissant à bras le corps, je l'emporte en courant. Le métal brûlant ne l'avait pas touché. « Ma foi, il était temps, » dit un ouvrier. Gerbeau, que je venais de poser par terre, me prend par les épaules et m'embrassant. « Monsieur le marquis, je vous demande pardon. Vous êtes un brave et solide garçon. » Depuis ce moment, on me salue avec respect. Et quand je tends la main le premier, c'est à qui la serra de bonne amitié. Il y a quelques semaines, une nombreuse compagnie a visité notre atelier. Des femmes en riche toilette étaient au nombre des curieux. Parmi elles, j'aperçus une de mes anciennes connaissances, Monsieur le baron de Prats. Je surveillais en ce moment le travail d'un fourneau d'où la fonte allait s'échapper. Il me reconnut, hésita, puis vint à moi. « Parbleu, c'est vraiment vous !» me dit-il. « Nous sommes donc revenus au temps des métamorphoses. » Ce mouvement m'a donné meilleure opinion de lui. Dans les habitudes que la fréquentation du monde inspire à mes hôtes quotidiens, il faut à certains hommes plus de courage pour saluer une blouse que pour risquer sa vie dans un duel. C'est bête, mais c'est ainsi. J'ai été pendant quelques minutes l'objet de tous les regards. On faisait de moi, dans les chuchoteries, un héros de roman. J'ai deviné que quelque chose de mon histoire avec Madame d'Albreuse avait circulé. « Pauvre garçon !» a dit une femme en passant près de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander des nouvelles de Madame d'Albreuse à mon ancien rival. Il la secoua la tête, puis me tirant à l'écart. « C'est la vérité vraie que vous désirez connaître ?» m'a-t-il dit. « Soyez sans crainte. » Et je répondus, « Le cœur n'est pas moins changé que le costume. » Eh bien, Madame d'Albreuse touche au cinquième acte de la comédie sur laquelle vous avez presque relevé le rideau. Des ressources lui sont arrivées tout à coup. Elle a payé quelques créanciers, pris un appartement tout neuf, renouvelé ses équipages et célébré ce renouveau par une fête qui a été l'amusement de Paris. Je crains que ce ne soit qu'un feu de paille. On voit chez elle beaucoup de spéculateurs. Et M. d'Albreuse, où il voyage, le bruit d'une séparation a couru. Quelques jeunes gens se sont approchés. J'ai donné une poignée de main à M. de Prats et me suis éloigné. Mon cœur ne battait pas. Il y a dans le village qui touche à l'usine une jeune fille qui a dans toute sa personne quelque chose qui, par certains côtés, me rappelle Léopoldine. Est-ce le regard, est-ce le sourire, est-ce le mouvement? Cela tient-il aux lignes du visage et du corps? Je ne sais. Ce n'est rien de tout cela et c'est tout cela. Elle est pauvre, vit en partie du travail de ses mains, et tire un avantage singulier des modestes vêtements qu'elle porte. Étant vêtue d'indienne ou de futaine, on croirait volontiers qu'elle est habillée de soie. je prends un plaisir tout particulier à suivre Élise des yeux quand je la trouve en mon chemin. Mademoiselle de la Morlaix a-t-elle dans son voisinage quelqu'un qui la fasse songer à cet Henri qu'elle ne voulait pas quitter ? Il me paraît que ma voisine répond par des sourires à mes attentions muettes. Entre une ouvrière et un contremaître, il ne faut pas de longs préliminaires pour que la connaissance soit faite. Élise et moi avons eu bien 20 occasions de causer. Elle a un esprit naturel et vif qui a un coin de parenté avec celui de Gilbert. Elle rit volontiers. Il faudrait un bien grave chagrin pour que cet aimable caractère en conservât une trace. J'aime ces natures imprégnées de joie, qui glissent à la surface de la vie comme de beaux oiseaux sur le miroir transparent d'un lac. Je ne saurais les imiter, et elles m'attirent. Léopoldine a-t-elle cette fraîche gaieté, cet entrain juvénile ? Je lui voudrais cependant un peu de profondeur. Voilà bien des jours que je passe entre les mêmes horizons, dépensant mes heures dans les mêmes travaux. Un matin il pleut, un soir la lune brille. Point de fête, point de surprise. Cependant l'ennui ne me prend pas. Le jour succède au jour avec cette vitesse que comporte la régularité. Je commence à reconnaître combien est petite la place que tient l'amusement dans la vie. Mes grandes distractions sont les lettres de Gilbert. Il m'écrit régulièrement, il ébauche de grandes aventures qui se terminent par un souper. Une sève d'intelligence mâle survit dans toutes ses folies et l'empêchera de s'y perdre. Elle m'a pris l'autre jour par le bras. C'était un dimanche. Elle avait mis son beau tablier. « C'est-il vrai que vous êtes marquis ? » m'a-t-elle dit. « Oui, c'est vrai. »« À quoi cela vous sert-il ? » « Je ne sais pas. » ai-je répondu en souriant. « Alors ne pourriez-vous point vous contenter d'être comme tout le monde ? C'est déjà bien assez d'être contremaître. »« Sans doute. Malheureusement, cela ne dépend pas de moi. »« Tant pis. »« Pourquoi tant pis ? » ?»« Je ne sais pas. » m'a-t-elle répondu à son tour. Mais cela me gêne d'entendre les ouvriers nouveaux venus vous appeler entre eux de ce nom, en vous regardant du coin de l'œil. Ils chuchotent, parfois ils vous saluent, et je vois bien qu'ils ne sont pas avec vous comme avec leurs camarades. Il en rejaillit quelque chose sur moi, et il m'a fallu tout à l'heure un grand raisonnement pour m'enhardir à prendre votre bras, le bras d'un marquis. Je lui jurais qu'un marquis n'était pas un loup, et que l'histoire du petit chaperon rouge ne serait jamais la sienne. Oh, moi j'ai des dents! « Et je ne me laisserai pas croquer, » m'a-t-elle répondu. Puis, changeant de ton et d'un air délibéré, « Pourquoi ne dansez-vous jamais ?» a-t-elle repris. « C'est qu'aux heures où l'on danse, je travaille. »« Eh bien, vous ne travaillerez pas dimanche prochain, et nous ouvrirons le bal ensemble. » Cette invitation m'a rappelé celle que Léopoldine m'a adressée pour aller au château de la Morlaix. J'ai promis tout ce qu'Élise a voulu. Le lendemain, un jeune ouvrier, qui compte parmi les plus laborieux et les plus rangés de l'usine, m'a abordé d'un air de politesse et, me tirant à l'écart, « Je sais qui vous êtes, m'a-t-il dit, par quelqu'un qui est du pays de M. de Saint-Aime, dans l'Anjou, et qui vous a vu à la Cormelle, ainsi que M. le duc de Carlepont, votre père. Il est clair qu'une personne de votre nom n'est pas faite pour vivre éternellement ici, et dans la condition où je vous vois. Je le pense, en effet. » Vous ne voudriez pas non plus, étant honnête homme, abuser des sentiments que vous inspirez à une jeunesse qui n'a pas plus d'expérience qu'un chevreau. Non, certes. Eh bien, monsieur, voilà devant vous quelqu'un à qui vous faites grand mal à votre insu, et je vais vous dire les choses comme elles sont. Jacques Merlin m'apprit alors qu'il aimait Élise de tout son cœur et qu'il en voulait faire sa femme. Malheureusement, Élise était aperçue de l'attention avec laquelle je la regardais. Sa tête s'est troublée, et depuis ce moment, elle ne pense plus à lui. Si cela devait durer encore quelque temps, il n'y aurait plus de remède et je devrais quitter le pays, a-t-il ajouté en finissant. Rassurez-vous, monsieur Jacques, je parlerai à Élise et vous ne quitterez pas F où il y aura un ménage de plus avant un mois. La joie qui est apparue sur le visage du pauvre Merlin m'a touché. La confiance qu'il m'a montrée part d'un cœur honnête et droit. Il ne me plaît pas en outre d'être le héros d'un roman champêtre dont l'idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Il aura son dénouement dès le premier chapitre. J'ai cherché Élise aujourd'hui et l'ai découverte au bord de l'eau. Le soleil couchant, les saules, le ramage des hirondelles, rien ne manquait à l'idylle. Elle avait même une marguerite entre les doigts. « Il m'aime, un peu, beaucoup, » disait-elle en marchant. Je lui ai pris la main. « Il s'agit en effet de quelqu'un qui vous aime passionnément, » lui ai-je dit. « S'il s'agit d'une personne que je connais, elle peut parler sans crainte. » m'a-t-elle répondu. Et de qui voulez-vous qu'il soit question entre nous, si ce n'est de quelqu'un que vous voyez tous les jours? Vous connaissez Jacques Merlin, n'est-ce pas? Quoi, vous vous occupez de Jacques? Et elle n'a pas pu continuer. La Marguerite s'est échappée de ses doigts et j'ai vu des larmes dans ses yeux. « Mais alors ? » a-t-elle repris en frappant du pied. « Pourquoi me regardiez-vous tant et tant ? » ?»« C'est que vous avez le visage d'une personne qui est loin d'ici. Et je vous mets au défi d'en trouver un plus joli à 10 lieues à la ronde. » Élise, malgré sa colère, a souri. « C'est-à-dire que j'étais pour vous comme un portrait. J'ai idée que je puisse être mieux que cela. » Tout le monde le pense, et Jacques Merlin, surtout. Les premières larmes passées, le rire est revenu aux lèvres d'Élise. Je lui ai fait voir Jacques qui rôdait aux environs d'un air triste. Jacques est beau garçon, ce qui ne gâte rien. Je suis sûr qu'il se jetterait au fond de la rivière pour vous, ai-je dit, et si seulement vous faisiez un petit signe du doigt, il serait ici, en un instant. Elle s'est redressée d'un air coquet. Qu'il se dérange si bon lui semble, je ne remuerai seulement pas le bout du pied pour lui. J'ai fait un signe de la main, Jacques s'est précipité vers nous. Vous voyez, ai-je poursuivi, vous n'avez même pas eu la peine de bouger. Une heure après, ils étaient ensemble, se dirigeant bras dessous vers la maison d'Élise. Ainsi, disait Jacques, vous croyez que votre père voudra bien m'entendre? Je le crois bien, si c'est moi qui parle. Puisque Gilbert veut absolument que je croque une part de ses revenus, il faudra que Jacques et Élise aient une maisonnette avec un jardin, où ils aient tout loisir d'être heureux et d'avoir une nichée de beaux enfants. J'ai eu mes jours de bataille. M. Berthier m'avait confié la direction de certains travaux, pour lesquels il m'a fallu faire appel à tout ce que j'ai pu glaner de science à la Cormelle et à Paris. J'ai été un peu ingénieur, un peu mécanicien. J'ai mis mon amour-propre à réussir. 100 paires de bras robustes agissaient à mon commandement. Ils ont fait merveille, excités par l'exemple d'Antoine Gerbeau. Après 1 mois de travail et 20 nuits de veille, j'en suis sorti à mon honneur. J'ai un peu de fièvre, il est vrai, mais que cette fièvre est bonne et rafraîchissante auprès de celle qui m'a brûlé pendant un temps. M. Berthier m'a pris à part. « Je vois que M. de Bléré ne m'a pas trompé, m'a-t-il dit. Mon devoir est de reconnaître ce que vous avez fait, mais en le reconnaissant, je reste encore votre obligé. » En parlant ainsi, il m'a glissé dans la main un chiffon de papier. C'était un bon de 1500 francs sur la caisse. Il m'a semblé que cet argent valait bien celui qu'on gagne dans un pari, sur le terrain des courses. J'ai pensé en outre que le ménage de Jacques aurait sa maisonnette, et j'ai serré le bon dans ma poche. Gilbert payera le jardin. M. Berthier me regardait fixement. « À présent, monsieur, a-t-il ajouté, voulez-vous me faire l'honneur de dîner avec moi ? J'ai donc gagné mes éperons, ai-je répondu gaiement. 8 jours après, j'ai reçu une lettre de mon père ainsi conçue. « Monsieur Berthier me montre que tu es un peu fatigué, mon enfant, et que tu as besoin de repos. Va donc à la Cormelle, je t'y rejoindrai bientôt. Dans la place où je t'ai mis, tu as fait ton devoir. C'est assez, et je t'en remercie. » Monsieur Berthier, à qui j'ai montré cette lettre, m'a tendu la main. « Partez, m'a-t-il dit, et rappelez-vous que, quoi qu'il arrive, la porte de cette maison s'ouvrira toujours devant vous. » Élise a pleuré quand elle a appris que je partais. Le pauvre Antoine Gerbeau, qui a pour moi le cœur d'un chien depuis notre fameuse bataille, a voulu m'accompagner jusqu'à la voiture qui, de l'usine, va au chemin de fer. Il m'a demandé la permission de m'embrasser. Quand j'ai mis les têtes à la portière, je l'ai vu sur la route qui secoue la tête d'un air triste en passant ses rudes mains sur son visage. Combien d'êtres ne laisse-t-on pas derrière soi dans les étapes de la vie? Combien qu'on ne retrouve plus? Maintenant, je vais revoir la Cormelle. Est-ce pour moi le chemin du château de la Morlaix ?